Tu le peux vivre sans moi, Bonita. Tu le peux vivre sans moi, Bonita. Bonita, tu le peux vivre sans moi. Je te livre ce que j'ai sur le cœur. Fais-moi confiance, je sais de quoi je te parle. Je surveille tes arrières. Je suis là, mais tu te doutes de rien. Pourquoi tu changes de pièce? Ma présence te gêne. Je suis comme pris au piège. Je t'ai vu disparaître comme dans un rêve. Quelque chose ne va pas. Je le vois dans tes yeux, j'y peux rien. Je te vois seul dans le coin. Qu'est-ce qui te fait peur à ce point? Mírame bonita. Regarde-moi, mírame bonita. Regarde-moi comme l'autre fois, quand on pensait ne jamais se revoir. Mírame bonita. Regarde-moi, mírame bonita. Regarde-moi comme l'autre fois, quand on pensait ne jamais se revoir. Tu ne peux vivre sans moi, bonita. Tu ne peux vivre sans moi. Disparu bien avant que je puisse compter jusqu'à 5. Pourquoi tu changes de pièce? Ma présence te gêne. De l'amour à la haine, ces deux choses vont de pair. Je te livre mes sentiments les plus sincères, mais je te vois dans le coin. Qu'est-ce qui te fait peur à ce point? Mírame bonita. Regarde-moi, mírame bonita. Regarde-moi comme l'autre fois, quand on pensait ne jamais se revoir. Mírame bonita. Regarde-moi, mírame bonita. Regarde-moi comme l'autre fois, quand on pensait ne jamais se revoir. Tu ne peux vivre sans moi. Je sais que tu m'évites. Je ne vois plus la flamme qui brillait autrefois. Regarde-moi car j'ai posé mon cœur dans tes mains. Mírame bonita. Regarde-moi, mírame bonita. Regarde-moi comme l'autre fois, quand on pensait ne jamais se revoir. Mírame.